Adelina mwen eme wan pila na va pou nwe sa na fe. Mwen o galate se se mwen deja genyen de douzen taj. Si vou reponde mwa, ma va ba ou bel kabandore. E di mwen se lon pase ou, raconte mwa tout sa ki nan keur. E lè li fè l'angelis, e konbyen kou fè se te di swa se pou. E lè li fè l'angelis, e konbyen kou fè se te di swa. Si ou bezwen fè zafè alman de tonton malman de sese. Mouche si ou remen, di mou mi kren yon melon pote. Kabale li fè minui, konbyen zetwèl ki gen dan le siel. Adelina mwen remen, an degajen pou mwen san afen. Adelina mwen remen wapil. Mwen remen chéri, pou nou sa na fè. Adelina mwen